2 B. On va faire l'appel. Rémi Berthier. Présent. Marie Boyer. Présente. Victor Charpentier. Présent. Alain Chaunu. Oui. Cédric Deric. Cédric Deric. Absent. Éric Descamps. Oui. Géraldine Dolinsky. Dolinsky. Pardon, Dolinsky. Nadia Alcaraz. Oui, présente. Hélène Lafont. Ici. Julie Lebrun. Julie? Absente. Yves Lemont. Présent. Karine Nacar. Oui, c'est moi. Virginie Rosé. Oui. Manuel Sanchez. Manuel? Manuel est absent.